rappelle encore sur le chemin de l'école. Les fous rires, les délires avec les potes. Aujourd'hui c'est révolu, ça fait partie de l'époque. Grave, comment le temps file si vite. 15 ans plus tard, les grands patrons font tourner les affaires et les clochards sont toujours par terre. Dieu sait grave la différence qu'il y a entre ciel et terre. La France qui se lève tôt peine à joindre les deux bouts. Entre les minima sociaux et la crise de la bourse, ça devient grave quand le manque d'argent se ressent tous les jours. Tu sais, on ne baisse pas les bras, on a le moral et le cœur des braves. Dieu sait grave comment la vie d'un homme se joue parfois sur quelques simples détails. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être toucher 1500. Partir en vacances, Paris, plage, Île-de-France. Avoir une femme, 2-3 enfants. Partir en week-end, de temps en temps. Si tout se passe bien, je prends un crédit pour une TDI. Une patrouilleuse pour les intérims. 2-3 semaines de mission, pas terrible. Mais qu'est-ce que tu veux, ça paye coucher Garetti. Ceux qui travaillent plus, veulent gagner un petit peu plus. Parce que faut régler les factures, toujours dans les délais. Le taf précaire nous tue, nous dérègle, mais faut payer le DF. C'est l'escalade de la violence, le JT fait grimper l'audimat. Plombe le climat, Dieu c'est grave. Comment des hommes peuvent encore mourir sur un bout de trottoir dans l'anonymat. On n'a pas de parachute doré, ni de prime de fin d'année. Nos parents prennent des crédits revolvers. On te pousse à consommer, tu peux pas rembourser, voilà le problème. Dans les colonnes de faits divers, quelqu'un a commis l'irréparable. Dieu c'est grave, ce que les hommes peuvent faire quand ils sont dos au mur, ils se sentent désespérés. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être toucher 1500. Partir en vacances, Paris, plage, Île-de-France. Avoir une femme, 2-3 enfants. Partir en week-end, de temps en temps. Si tout se passe bien, je prends un crédit pour une TDI. Une patrouilleuse pour les intérims. 2-3 semaines de mission, pas terrible. Mais qu'est-ce que tu veux, ça paye coucher Garetti. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être toucher 1500. Partir en vacances, Paris, plage, Île-de-France. Avoir une femme, 2-3 enfants. Partir en week-end, de temps en temps. Si tout se passe bien, je prends un crédit pour une TDI. Une patrouilleuse pour les intérims. 2-3 semaines de mission, pas terrible. Mais qu'est-ce que tu veux, ça paye coucher Garetti. We'll be right back.